c'est mon son. J'ai dit ça c'est mon son. DJ Moon, ça c'est mon son. Et Cisco, ça c'est mon son. Hey, t'es qu'une pute moins chère. À part Target, tu ne sais rien faire. Dépouiller les hommes, t'en fais ton affaire. Deux, trois verres dans ta tête, c'est la guerre. Hey, ce soir, on va tout péter. Appeler les pompes, on va tout péter. Ça envoie dans le carré. T'as tout mis, t'as plus rien. Elle a sifflé ton matu. Son tarpé t'a battu. Tu penses finir au télé. Mais tu finiras seul. Ça, fais pas ta timide, bouge-moi ça. Hey, vas-y, bouge-moi ça. Fais pas ta timide, bouge-moi ça. Hey, vas-y, bouge-moi ça. Fais pas ta timide, bouge-moi ça. Hey, vas-y, bouge-moi ça. Fais pas ta timide, bouge-moi ça. Hey, avec l'équipe, on est official. 10 bouteilles à ma table et tu nous dévisages. Hey, elle twerk, elle me dit que c'est du visage. En réalité, elle a des visages. Ouais, deux visages, à ma table pâtissage. C'est y'a pas de garage. Quand t'es qu'au poignet, j'suis bien accompagné. J'suis dans la zone, mais bah ouais, tu connais. Hey, vas-y, bouge-moi ça. Fais pas ta timide, bouge-moi ça. Hey, vas-y, bouge-moi ça. Fais pas ta timide, bouge-moi ça. Hey, vas-y, bouge-moi ça. Fais pas ta timide, bouge-moi ça. Hey, vas-y, bouge-moi ça. Fais pas ta timide, bouge-moi ça. Ça. Fais pas ta timide, bouge-moi ça. Hey, vas-y, bouge-moi ça. Fais pas ta timide.